Kem, Morsaï, ZRF, truand de la galère, les élites du rap frère, du son du terre-terre. J'te découpe comme une hélice, Rosé Morsaï, truand de la galère tennis, on mange clé l'hela. C'est pour mes Kaira qui niquent la hnoucha, qui roule en voiture péta. On roule en haut de gamme, on nique la meuf à Pécam. A chaque phrase, tu peux prendre du ferme high. Nique sa mère les meufs qui tapent dans la cam. T'as rien compris, c'est les élites du rap cousin. J'suis prêt à mettre une pasto sur les pédophiles. J'suis prêt à tuer un keuf en mode civil. Clic clic sur les bastos, mon side trop de la galère, t'as les cassos. T-shirt 9-5 floqué sur le dos, personne clic clic, mon putain de ghetto, putain de ghetto. Nos vies sont criblées de balles. Nos vies sont criblées de balles. Cicatrisés par des impacts de balles, par pas du voix ici bas. La seule mafia, les tueurs en série, c'est la police nationale. Viens pas nous critiquer, viens pas juger nos actes. À tout moment, on peut tout quitter, car nos vies sont des impacts. Même si on fait du mal autour de nous, c'est pas voulu. On marche avec des couteaux plantés dans le dos, on marche avec des plaies même pas cousues. On suit les traditions et coutumes, on marche en vêture et pas en costume. Baisse, baisse les puces du national, baisse les fachos qui votent le Front National. Je leur fais passer mon roi dans leur trou de balle. Rien de la galère, où soit gilet pare-balles. Nos vies sont criblées de balles. Ici on baisse les stars, baisse les bolos, baisse les putes, baisse les suspices, baisse les bars qui sniffent. Joue pas le haut, se te nique, on te fume, on te ken négro. On te fuck négro, t'es pas négro. Nique les keufs, nique la barque négro. C'est cette cateuf, trop de la galère en pleine face négro. Et faut qu'on gagne dans ta race négro. Et faut qu'on gagne dans ta race négro. Eh eh mec ton, faut que tout soit carré. Je veux voir tous les frères soudés et tous préparés à prendre tout le genre, à fuck Sarko sale bâtard. Authentique barbare pour tous les mecs des Ticards. C'est Ben qui fusille et le bitch le cisaille. La France a champ de bataille quand on nous nomme racaille. Eh bonhomme de petite taille, pour moi t'es caractère. Si tu veux la guerre, hardcore seront les batailles. Nos vies sont criblées de balles.